Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Derrière ce slogan, l'aventure du magazine Crow. Pour une fois, là, on va commencer à travailler d'une façon sérieuse puis d'une façon professionnelle. C'est-à-dire qu'un caricaturiste devient de plus en plus meilleur, si l'expression est valable, là, quand il travaille et que son travail débouche sur quelque chose. Les premières revues comme ça ouvrent des voies. Il s'agit de persister maintenant. Le caricaturiste Pierre Duprat, qui se réjouit de la création du magazine Crow en 1979, l'impact de Crow dans le milieu des dessinateurs et de la bande dessinée au Québec va être fondamental. Pourvu que ça dure, que ça persiste, dit en gros Pierre Duprat dans cet extrait qu'on vient d'entendre, l'aventure de Crow va durer 15 ans. Retour sur les années Crow dans ce numéro d'Aujourd'hui l'Histoire. Eh bien, les amateurs de bande dessinée québécois auront désormais de quoi se mettre sous la dent ou sous les crocs, puisqu'il y a une nouvelle revue d'humour qui vient de voir le jour. Il s'agit de Crow. C'est un mensuel qui réunit la plupart des professionnels québécois de la bande dessinée. Crow a en effet récupéré nos artistes, dessinateurs, concepteurs et scripteurs humoristiques. Cette catégorie de créateurs s'amuse habituellement à crever de faim, puisque la plupart des médias les boycottent et que les gouvernements les ignorent. Depuis que le journal Le Jour est disparu, la bande dessinée DC végète. Pourtant, les Québécois consomment pour plusieurs millions de dollars de bandes dessinées étrangères chaque année, ce qui a incité le ministère des Affaires culturelles à investir 80 000 dollars dans la revue Crow, dont les éditeurs sont en réalité des agents secrets du parti Rhinocéros. D'une part, l'engouement pour la bande dessinée est un phénomène assez récent. Puis ils se sont rendus compte que les Européens et les Américains faisaient 15 millions par année au Québec avec ça, puis qu'il n'y avait rien de québécois. Ce qu'ils nous ont donné, en fait, c'est un fonds de roulement pour lancer une revue, la rentabiliser. Et puis voir en calculer les retombées, finalement. Extrait d'un reportage de Paul Toutant dans lequel on entend Jacques Urtibise de la revue Crow à la création du magazine à l'automne 1979 pour nous faire revivre les années Crow, le co-auteur de l'ouvrage du même nom, Les années Crow, publié chez Québec-Amérique en 2013, Jean-Dominique Leduc, qui est également chroniqueur BD, copropriétaire d'une librairie spécialisée en bande dessinée, la librairie Z à Montréal. Jean-Dominique Leduc, bonjour. Bonjour. C'est assez clair, Jean-Dominique, dans ces deux extraits qu'on vient d'entendre, quand cette revue, quand ce magazine Crow est créé, ça a vraiment un impact très, très important dans le monde de la BD, dans l'univers pour les dessinateurs du Québec. Qu'est-ce que ça change, l'arrivée de Crow, concrètement pour eux? Alors, concrètement, ce que ça change, deux choses. Premièrement, ça leur donne une visibilité, ça leur donne un vecteur. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, outre le bulletin des agriculteurs où il y a à chaque mois une planche d'Onésime d'Albert Chartier et que dans les années 60, il y a eu quelques tentatives de bandes dessinées catholiques, somme toute, quand on arrive à la fin des années 60, il se passe pratiquement rien en bande dessinée au Québec. Le groupe Chien d'Ans va apparaître, va vivre à peine 2 ans, suivront quelques petites manifestations, dont certaines menées par un jeune Jacques Urtubise, oui, notamment l'hydrocéphale entêté. Et donc, dans les années 70, les auteurs n'ont pas de véhicule de publication. Et donc, conséquemment, ils n'ont pas de public, mm-hmm, ils n'ont pas de lecteurs. Alors, c'est terrible. Donc, la bande dessinée québécoise ne peut pas exister si elle n'est pas diffusée et donc si elle n'est pas lue. Oui. Et ça, Crow, dès le premier numéro, va changer la donne. Oui. Et de façon assez flamboyante, d'ailleurs. Dès le premier numéro de Crow, Jacques Urtubise va s'entourer d'une équipe. Il va récupérer notamment un jeune Réal Godbout et un jeune Pierre Fournier qui avaient déjà dessiné quelques aventures de Michel Risque par le passé dans différentes manifestations. Et donc, va s'entourer d'une équipe. Et dès le départ, ces auteurs-là, non seulement ils ont un véhicule de publication, oui, mais ils sont payés. Ça, c'est l'autre élément, en fait. C'est incroyable, ça. Ils vont pouvoir vivre de leur stylo, de leur dessin. Oui, et non seulement vivre, mais apprendre à faire leur métier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour un auteur de bande dessinée, être publié sur une base mensuelle, comme par exemple Réal Godbout et Pierre Fournier, qui faisaient à chaque mois 4 planches de Michel Risque, et à un moment donné, 4 planches de Michel Risque et 4 planches de Red Ketchup. C'est énorme, ça, oui, pour un mois, là. C'est une charge de travail considérable, surtout vu l'approche graphique de Réal Godbout en plus. Donc, ces auteurs-là, de mois en mois, vont faire leur classe. Mm-hmm. Et rapidement. C'est-à-dire que dans les 2 premières années de Crow, on voit l'ascension, vraiment l'évolution du style graphique de ces auteurs majeurs. Et ça, en soi, c'est extraordinaire. Parce que c'est un, parce que le Québec n'avait jamais connu ça, ce que l'Europe a connu, ouais. notamment avec le journal Spirou, Tintin, aux États-Unis avec Mad Magazine, entre autres. Ça débarque au Québec avec Crow. Donc, ouais. C'est évidemment donc très, très important pour ceux, pour les créateurs, pour les artistes de la BD, pour les dessinateurs du Québec. C'est aussi très important pour le public parce qu'on est affamé, en manque au Québec. On reçoit des publications européennes, oui. c'est à évoquer dans l'extrait, mais il n'y a rien au Québec qui existe. Donc, ça comble un vide. 21 000 exemplaires, le premier numéro de Crow, c'est un succès phénoménal, instantané. Qu'est-ce qui explique ce succès-là? Hey. C'est une très grande question. Je dirais d'abord la grande qualité. On regarde le premier numéro. Dès le départ, les standards sont ultra élevés. Faut savoir que Jacques Urtubis, dans les années 70, a quand même pris le temps, à travers différentes publications, de se faire la main. Mm-hmm. Et donc par le biais de l'Hydrocéphale entêté, l'Illustré, etc. Et donc là, il arrive avec le premier numéro et Jacques Urtubis est un homme solide, c'est un rock, c'est un homme animé d'une très, très grande passion pour la bande dessinée et c'est un visionnaire. Ouais. Et donc, quand on est visionnaire de la stature de Jacques Urtubis, eh bien, forcément, les attentes sont grandes à l'endroit de son équipe. Et donc, dès le premier numéro, la qualité est là. Mm-hmm. Et effectivement, c'est une revue qui, dès le premier numéro, circule dans les cégeps. Et instantanément, les jeunes étudiants et les professeurs aussi qui sont pas très vieux, ouais. hein, faut savoir. Ouais. Alors, eux se retrouvent là-dedans, mais totalement. Mm. Et tout de suite, ça devient un rapport, je vous dirais, fusionnel. Les gens qui ont connu Crow dès ses départs, encore aujourd'hui, ils en ont un souvenir très, ouais. très clair. Ils ont un rapport émotif aussi très fort. C'est pas un hasard, d'ailleurs, que votre livre s'intitule « Les années Crow », c'est ça. Oui. C'est ça dont on parle. Urtubis, évidemment, qui sera là dès le départ. Est-ce qu'il a une idée claire, déjà, de ce qu'il veut faire? Puis, bon, il y a Jacques Urtubis, mais qui sont les autres là, qui graviteront dès le début? Alors, le magazine aurait été cofondé avec Hélène Fleury, qui est la tendre moitié de Jacques, ainsi que Roch Côté, professeur à l'université, qui va rapidement laisser ses tâches à Pierre Huet, un jeune Pierre Huet, qui va ouais. le remplacer. Et donc, cette équipe-là vont vraiment tenir à bout de bras ce magazine-là et investir. Ils savent ce qu'ils veulent faire dès le départ? Force est de constater que quand on lit Crow, avec un certain recul, l'humour est clair dès le départ, les lignes sont claires, et je pense qu'ils étaient vraiment mus par un désir de développer, d'ouvrir les perspectives. Ouais. Et en ce sens, je pense que c'est surtout ça au point de départ. Et par la suite, ça va se manifester de mille et une façons, par des revues satellites à Crow, par des produits dérivés, par une émission de radio, ouais. de télé, etc. Mais je pense que vraiment, au point de départ, c'était d'élargir les perspectives. Ouais. Ouais. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Ça, c'est le slogan de Crow. Comment résumer l'humour, l'esprit de Crow? On écoute un extrait de l'émission Présent. En 1987, Gisèle Lalande qui interviewe Jacques Urtubis, l'un des cofondateurs de Crow, au moment où le numéro du magazine consacré à la francophonie, on est en 87, c'est le sommet de la francophonie à Québec, s'assème ce numéro de Crow sur la francophonie. Une controverse, on les accuse carrément d'être racistes. Monsieur Urtubis, comment réagissez-vous aux accusations de racisme qui ont été lancées contre votre revue par différents groupes, dont entre autres SOS Racisme? Écoutez, ça nous a pris par surprise réellement parce que on a lancé le numéro Crow Francophonie au début du sommet, un petit peu avant que M. Mulroney fasse son discours. Et de la part des journalistes de la Ville de Québec, où on faisait notre lancement, on a reçu un accueil vraiment formidable, élogieux par rapport à notre magazine. Ils disaient, enfin, voilà la seule note d'humour dans le sommet. On était un peu surpris de lire cet article dans la presse. Mais est-ce que c'était toujours un humour très fin? Je vais devoir citer quelques-unes des blagues qu'il y a dans le numéro, puisque tout le monde ne l'a pas lu. Bon, on dit qu'à un endroit que les délégués, finalement, africains, n'ont pas à craindre les ours, parce que les ours se tiennent toujours loin de ce qui sent mauvais, que si la Camerounais avait découvert le Québec, la jungle se limiterait plus au centre-ville. On suggère aussi aux délégués haïtiens, donc à tous les Haïtiens, de retourner chez eux. Est-ce que c'est de bon goût, ces blagues-là? Écoutez, Crow est un magazine d'humour. Notre politique éditoriale a toujours été de faire du mauvais goût de bon ton. Vous avez cité quelques-unes des blagues du magazine, mais je dois vous dire que l'équilibre éditorial fait que tous les pays de la francophonie sont insultés vertement. On a fait des numéros dans le passé, le numéro au Canada, USA, France. On a fait un numéro sur le racisme, on a fait un numéro sur les femmes, sur les gays. Le numéro sur la francophonie actuellement n'est absolument pas une exception au type d'humour qu'on a d'habitude. Mais est-ce que c'était... Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette affaire-là, Jean-Dominique Leduc, sur le type d'humour pratiqué par Crow? Crow pratiquait un humour impolitiquement correct, méchant, cinglant, mais toujours avec une certaine limite. C'est-à-dire que... J'imagine que d'être attaqué par Crow, ça faisait mal. La preuve, c'est que les autres s'en amusaient. C'est sûr qu'au Québec, culturellement, on est un peuple qui n'aime pas discuter, qui n'aime pas argumenter. On est très, très émotif. Alors, évidemment, arriver avec un magazine cinglant comme ça, ça bouscule beaucoup, culturellement parlant, les gens. Et c'est quand même étonnant parce que ce numéro-là, de 1987, c'est loin d'être le numéro le plus terrible en fait d'humour. Il faut retourner au premier, dans les premiers numéros, le numéro spécial au Canada dont ils évoquaient dans l'extrait. C'est incroyable. C'est un numéro... Qui arrive au moment du référendum de 80 sur la souveraineté. Tout à fait, parce qu'évidemment, il faut savoir que Urtubiz et sa bande... ils sont vraiment du côté des péquistes. Oui. Hein? Ils ont travaillé pour le journal Le Jour, qui était un organe des péquistes et tout ça. Donc, on sait très bien où ils campent dès le départ. Oui. Ils s'en sont jamais cachés. Et ceci dit, ce qui est très intéressant, puis ce qui est important aussi de dire, c'est que Crow s'en prenait à tout le monde. Oui. Alors, aussi, ça les dédouane justement d'être taxés de racistes ou de s'acharner sur certaines personnes, parce qu'en fait, ils s'amusaient de tout. Oui. Et ça, au Québec, même encore aujourd'hui, en 2016, on a énormément de mal avec l'humour qui est un peu plus incisif. Ce serait encore possible, cet humour Crow, dans le Québec d'aujourd'hui? Oui, ça, c'est toujours la grande question. Tout le monde a son groupe de pression. Maintenant, avec les médias sociaux, où tout le monde a une tribune pour exprimer... Ouais. Même pour s'exprimer, même quand ils ont rien à dire, on s'émeut de tout. Et à chaque jour, sur les médias sociaux, il y a toujours une crisette. Donc, je pense que ça leur coûterait très, très cher d'avocat, Crow, aujourd'hui. Déjà, ça leur a coûté un peu d'argent. Il y a quoi, deux poursuites dans l'histoire de Crow? C'est même un miracle qu'il n'y en ait pas eu plus, probablement. Oui. Et ça, ça en dit long aussi sur l'époque. Justement, par rapport à aujourd'hui, où là, tout le monde est très, très frileux. À l'époque, ils avaient eu deux poursuites qui s'en sont réglées hors cours, finalement. Et ils ont été très, très bons joueurs. Parce que dans un cas comme dans l'autre, ils s'en sont servis comme matériel dans leur magazine. Donc, évidemment... ils trouvaient moyen de rire de tout le temps, et d'eux, inclusivement. Et donc, évidemment, quand on rit de soi-même, donc ça démontre une ouverture et ça nous permet de tout faire après. Ouais. Et Crow n'a pas attendu après personne pour occuper l'espace. Ils l'ont pris, ils l'ont occupé. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, en 2016, on se souvient de Crow. Ouais. Ce magazine-là aura des cibles de prédilection. On pense évidemment à Drummondville, puis on y reviendra dans un instant. On en rit déjà, juste en évoquant le nom. Oui. C'est peut-être, curieusement d'ailleurs, l'une des choses qu'on retient spontanément quand on pense à Crow, c'est Drummondville. Oui. Mais des cibles aussi dans le monde politique, dans le monde artistique. Écoutez cet extrait, c'est fabuleux. L'émission Le Point en 1984. Hélène Fleury et Serge Grenier, Jacques Urtubiz aussi qu'on entend un petit peu, qui sont collaborateurs réguliers à Crow, qui répondent aux questions de Simon du Rivage. Mais qu'est-ce que vous avez contre Drummondville, contre Émile Genet, Michel Richard? Rien. Au contraire, je dirais qu'on aime beaucoup Drummondville, on aime beaucoup Michel Richard, c'est peut-être pour ça qu'on en parle. Émile Genet, c'est une autre question. On l'aime pas. Soyons francs. Qu'est-ce qu'il aimerait Émile Genet? Mais je pense qu'en fait, on ne fait que colporter la rumeur publique, c'est-à-dire qu'on dit tout ce que le monde pense tout bas. Est-ce que vous lisez Crow, Émile Genet? Non, je ne lis plus. Je l'ai lu jusqu'au moment où on commence à me caricaturer, soit par dessin, soit par écriture. Et tant que j'ai vu les caricatures des autres, ça m'a fait rire. Mais quand j'ai vu les miennes, ou enfin celles qui me concernaient, j'ai pas trouvé ça drôle. Et vous, Michel Richard, est-ce que vous lisez Crow? Non, je ne lis pas Crow. Mais j'ai eu connaissance bien souvent par mes amis qui m'ont dit, Michel, est-ce que tu as vu la chose énorme qu'ils ont écrit sur toi dans Crow, tout ça? Il y a des fois où j'ai vraiment ri, parce que des fois, c'est effectivement très drôle. Mais il y a des fois où j'ai trouvé ça énorme, parce qu'ils vont très, très loin. J'ai trouvé ça même grossier. Ils vont très, très loin. C'est parfois grossier. Vous avez dit vous-même, Jean-Dominique Leduc, c'est assumé. Il y a un côté méchant dans l'humour de Crow. Ah oui, forcément. Parce ça, c'est que... personnel, en fait. On attaque à des cibles, puis on lâche pas le morceau, comme on dit. Oui, mais en même temps, attaque personnelle, c'est-à-dire que, bon, ce sont des personnalités publiques. Oui. Quand on pense à Michel Richard, c'est une personnalité flamboyante. Mm-hmm. Encore aujourd'hui, mm-hmm. c'est quand même incroyable. Il n'y a pas que Crow qui s'est payé sa tête, non. par ailleurs. Non, non. Je pense que tout le monde a pris sa part du gâteau. Mais donc, les gens qui occupaient l'espace public... pendant très, très longtemps au Québec, que ce soit au niveau politique ou au niveau culturel, avait très peu de répondants au niveau médiatique. Et Crow, ça a changé la donne au Québec parce que tout à coup, eux veillaient au grain. Alors, si on ratait un truc ou si on baignait dans un scandale quelconque, ben instantanément, Crow prenait le pouls de ça. Ouais. Il se disait, il y a matière à gag, ouais. allons-y. Ouais. Ce qui les sauve, autant sur la question du racisme, Jacques Urtibiz le disait, puis vous l'avez repris, il y en avait pour tout le monde. Tous les pays du monde étaient raillés de la même manière. Autant ce qui les sauve, quand on entend un Émile Genet ou une Michel Richard, c'est que ils disent, oui, parfois ça m'a fait rire, dit Michel Richard, parfois je trouve que ça va un peu trop loin. Mais Genet qui dit, ben quand c'est les autres, ça me fait rire, quand c'est moi, je trouve ça moins drôle. Donc ça c'est ouais. sûr que c'est la plus belle des cautions pour un magazine comme celui-là. Mais vous savez que Crow, en riant de ces gens-là, leur a apporté une visibilité médiatique incroyable. Et il y a des gens parmi eux qui s'en sont servis. Je trouve ça très drôle d'entendre Michel Richard dire « Non, non, je ne le lisais pas ». Ben oui, évidemment qu'elle le lisait. Et évidemment qu'elle a profité de cette tribune-là pour mousser sa propre carrière. Et même Drummondville, la cible parmi les cibles, à un moment donné, les gens de Drummondville, le maire de Drummondville, je l'entendais en préparant cette émission, on n'a pas le temps de faire tourner l'extrait, mais décide d'être bourgeois, puis de dire « Ben, venez donc publier, on a des imprimeries chez nous, venez publier ». Vous nous donnez de la visibilité, justement. Pourquoi Drummondville? L'anecdote veut que c'est Hélène Fleury qui disait que c'était l'arrêt pipi entre Montréal et Québec quand ils allaient soit pour voir les subventionneurs ou pour voir leur équipe à Québec. Et donc, tout simplement, c'était la ville du milieu, considérant que c'était une ville québécoise moyenne. Mm-hmm. Et donc, c'est devenu une blague, mais très, très rapidement, hein, dès les premiers numéros. Et ça a tellement marqué les esprits que même d'autres municipalités qui ont contacté Crow en leur disant « Écoutez, vous pourriez rire de nous aussi. » Et voici quelques blagues. Ouais. Oui, oui. Incroyable. Oui, tout à fait. Bon, les numéros marquants, on en a évoqué certains, là, au Canada, au moment du référendum. Mais quels seront donc les grands numéros marquants de Crow? À nouveau, Simon Durivage avec Hélène Fleury, Serge Grenier et Jacques Urtibiz au Point en 1984. Vous avez à chaque fois un thème, enfin un spécial du mois. Est-ce que je peux vous demander ceux qui ont le plus été populaires jusqu'à maintenant et ceux qui ont moins bien marché? Je pense que les plus populaires, ce sont ceux qui sont dans l'air du temps, c'est-à-dire dont le sujet, tout le monde en parle de toute façon. Par exemple, notre meilleur vendeur récemment était le pape, le spécial Bienvenue Jean-Paul, et effectivement, tout le monde en parlait partout. Au mois de décembre, on a fait un pastiche du Journal de Montréal. Bon, quand on connaît les chiffres de vente, c'est sûr que c'est très populaire aussi. Le numéro 8 de Crow, évidemment, le tirage était moins élevé que maintenant, mais c'était le spécial Au Canada, qui correspondait en pleine période référendaire. Donc là aussi, tout le monde en veut parler tout le temps. Même chose pour la crise d'octobre, 10 ans de crise d'octobre. Mm-hmm. C'est vraiment les numéros dont tout le monde parle de toute façon, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas. Par ailleurs, il y a eu on avait fait un numéro spécial culture et on sait que la culture touche pas tout le monde, loin de là. Alors, les ventes ont un petit peu baissé, d'autant plus qu'on parlait du FM de Radio-Canada. Alors, il faut comprendre que... Oui, mais les 8 auditeurs du FM de Radio-Canada l'ont acheté. L'ont acheté, oui, effectivement. Vous l'avez su comment? Ben, ils en ont parlé à Pensée de la nuit à 23h50. Le ton de cet extrait, Jean-Dominique Leduc, il est extraordinaire. Ça nous en dit beaucoup aussi sur l'esprit Crow, on y revient. C'est totalement Crow. Ouais. Voilà. Déjanté. Tout à fait. Et cette idée des numéros populaires marquants qu'ils étaient dans l'air du temps, c'est tellement vrai. Et je dois vous dire qu'en relisant Crow aujourd'hui, 20-25 ans plus tard, il y a une chose étonnante qui se passe. C'est qu'on rit les gags. D'entrée de jeu, on rit de bon cœur. Et à un moment, on se met à rire jaune parce qu'on se rend compte que finalement, les gags fonctionnent toujours aujourd'hui. Mmh. Et donc, conséquemment, c'est peut-être la preuve qu'on n'a pas autant évolué au Québec qu'on le croit. Ouais. Ouais. Et ça, c'est la marque Crow. C'est incroyable parce qu'ils sont encore... profondément actuelles dans leur humour. Oui. On boucle un peu la boucle, mais un impact instantané dans le milieu des créateurs de BD, dans le milieu des dessinateurs. Ça va être un formidable... Tout le monde va passer par Crow. Ça va être un formidable incubateur. Oui, et pas que pour la bande dessinée, d'ailleurs. Parce que il faut savoir que Crow a développé deux pans culturels majeurs au Québec, la bande dessinée et l'humour. C'est quand même Crow qui donnera la première chance à Guy Lepage, à Stéphane Laporte et à une kyrielle de jeunes scripteurs qui, par la suite, vont se mettre à occuper notre télévision, mm-hmm. notre cinéma, mm-hmm. notre radio. En ce sens, Crow a été un formidable incubateur, tellement qu'ils ont été, en quelque part, victimes de leur propre succès. Parce qu'à la fin des années 80, il y a eu une exode vraiment des scripteurs vers la télévision. Parce que voulez-vous, c'est beaucoup plus payant d'écrire pour la télévision ouais. que pour l'imprimé. Puis eux-mêmes, Crow, au fond, victimes de leur succès, creusent un peu leur propre tombe. Parce que on fait de la radio Crow, il ouais. y a des émissions de télé Crow. Donc, on s'en va. Crow lui-même va vers ces nouveaux médias qui vont aller chercher tous ces créateurs, finalement. Tout à fait. En fait, Jacques Urtubise était aussi un visionnaire au niveau de l'informatique. Hein. C'était un gourou de l'informatique. Et lui voyait déjà le multiplateforme. Mm-hmm. Et c'est ce qu'il a mis en place avec ouais. Crow, en fait, à travers toutes ses tribunes et tous ses projets dérivés. Mais en même temps, c'est ce qui leur a fait prendre du plomb un peu dans l'aile, finalement, parce que ce sont des projets qui leur ont coûté cher ouais. en temps, en argent. Des projets un peu fous, ouais. la carte du monde, Crow. C'est extraordinaire. Mais qui coûte une fortune pour un petit magazine comme ça. C'est un gag qui a coûté une fortune, mais c'est un gag qui fonctionne encore aujourd'hui. Ouais. Et personne d'autre ne refera jamais. Personne n'avait fait ce que Crow a fait, et personne ne le refera ouais. jamais, forcément. Il reste quoi, Jean-Dominique Leduc, aujourd'hui, quand on regarde le monde de l'humour au Québec, qu'est-ce qui reste de l'esprit Crow? On vit à une époque consensuelle où il faut faire attention, où on met les pieds toujours. Moi, je vous dirais que ce qui reste de Crow, en fait, c'est un idéal qu'on aimerait atteindre à nouveau. Crow manque cruellement aux lecteurs et les gens ne peuvent pas s'empêcher aujourd'hui de se dire « si Crow était encore là, qu'est-ce qu'il ferait? Et qu'est-ce que ça changerait? » Je pense qu'ils ont laissé une empreinte très, très, très importante sur le Québec moderne. Et idem pour la bande dessinée. Je vous dirais que la bande dessinée par rapport au scripteur a peut-être mieux survécu mm-hmm. à Crow, notamment parce que Red Ketchup est réimprimé, réédité en bande dessinée, un personnage marquant du magazine Crow, donc, et Jean-Paul Hyde avec son Jérôme Bigras, etc. Ouais. Mais ce sera assurément de très, très beaux souvenirs éditoriaux que Crow nous aura laissés. Mm-hmm. Et on peut pas s'empêcher encore aujourd'hui, de s'ennuyer de Crow. En tout cas, on a bien senti tout au cours de cette émission votre passion infinie pour cette époque et pour Crow. Jean-Dominique Leduc, comédien, chroniqueur, BD, co-auteur de l'ouvrage Les années Crow, publié chez Québec Amérique en 2013. Merci infiniment de votre passage à l'émission. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.